Sur sa bicyclette, elle voulait rencontrer le renard. Mais en cette saison, il vaut mieux pas faire le con. Alors toujours en pédalant, les côtes sont vraiment raides. Sur sa bicyclette, en pédalant, les côtes sont vraiment raides.